Peux-tu faire la différence entre une souffrance psychologique et une souffrance vibratoire? La souffrance vibratoire, c'est un profond inconfort au niveau des corps de différence. C'est-à-dire que au lieu d'être juste dans le corps psychologique, si on peut dire, comme le mal-être, ces choses-là, ça va être réparti sur l'ensemble des corps parce qu'il y a une multidimensionnalité qui s'est ouverte. Donc, c'est quelque peu différent. C'est un peu comme si, au lieu d'avoir une goutte de quelque chose de très déplaisant sur la langue, ben, je vous la dilue dans votre soupe. Ça ne veut pas dire que des fois, c'est pas plus qu'une goutte, là. Mais c'est difficile à décrire justement parce que c'est pas psychologique. Ça va être un inconfort énergétique dans le sens que je file pas bien, je suis pas de bonne humeur, je suis pas content, mais psychologiquement, je souffre pas. Il va falloir que je sois en contact avec des gens qui souffrent psychologiquement pour le ressentir. Mais c'est comme ça, on peut endurer longtemps des situations vraiment terribles. Puis, c'est difficile à décrire, vous savez. Il y a certaines expériences qui ont été faites par rapport à des traumatismes faits exprès sur des gens. Puis quelque part, il va avoir une division. Il va avoir comment je pourrais dire ça? Il va avoir une subdivision au niveau des corps, une dépersonnalisation. Ben, ça ressemble à ça, sauf que dans le cas de quelqu'un qui passe d'une souffrance psychologique à une souffrance vibratoire, ça va être conscient. Ça sera pas un mécanisme inconscient qu'il faut observer de l'extérieur pour en prendre compte. C'est-à-dire, il n'y aura pas de perte de en tout cas. C'est assez complexe à expliquer, à mettre dans des mots. Mais la souffrance vibratoire, moi, je vais la ressentir comme un profond inconfort. Mais c'est pas psychologique. C'est très difficile à décrire. Ou bien, il va y avoir des mises en vibration. Il y a de l'inconfort. Je le sens. C'est comme si j'étais assis sur une cocotte minute, là, puis ben, l'inconfort, il y a de la transmutation, puis il y a de l'intégration. Hein. L'inconfort vibratoire, comme la souffrance psychologique dans un mode psychologique, c'est ce qui sert soit à bloquer, soit à faire évoluer, entre guillemets, évoluer les gens. Maturé, si vous voulez. À un autre niveau, là, c'est le vibratoire, mais ça reste encore de l'intégration. C'est juste que c'est plus psychologique. Donc, l'inconfort, il y a une transmutation tout le temps. De toute façon, c'est lié à l'âme, dans le sens que le psychologique, comme la souffrance psychologique, ça va être ce qu'on appelle la souffrance de l'âme. Comme, par exemple, les gens qui se ressassent des choses, et puis bon. Ou qui ne se sentent pas aimés, là, on peut parler d'un certain ressenti, parce que des fois c'est vrai. Mais la souffrance vibratoire, là, on est ailleurs. C'est un petit peu. Il y a d'autres choses que l'âme d'impliquer. Même si tout est tout le temps impliqué tout en même temps, c'est au niveau de l'intégration, au niveau de la conscience de soi-même, puis de ses structures, c'est pas pareil.